Se croyant aimé de Jacqueline, Fortunio est rempli de joie. Mais il surprend une conversation entre Jacqueline et Clavaroche et se désole en comprenant qu'il n'est qu'un jouet entre les mains des deux amants, un chandelier, celui qui porte la chandelle. De son côté, maître André redevient soupçonneux et décide de surprendre l'amant de sa femme la nuit suivante. Clavaroche décide alors de faire prendre Fortunio au piège tendu par maître André et, sous la dictée de Clavaroche, Jacqueline adresse donc un billet de rendez-vous à Fortunio.